Chapitre 60e. Ce mois s'écoula trop vite. Il expira avant la morte saison. La société, après avoir battu en vain le pavé pour solliciter de l'ouvrage, se vit de nouveau menacée par la famine. On était à la fin de mars. 31 jours sans pain, misère en Prusse. Telles furent les premières paroles que le serrurier proféra à son réveil. « Oh, Débine, qui a tué mon père ?» s'écria Suzanne. « Ce n'est que trop vrai. « Nous y voilà jusqu'au cou, » soupira sa sœur. « Oui, » reprit Frédéric, « nous sommes revenus au point où nous étions. Il y a eu hier un mois jour pour jour. Si Mlle Adèle pouvait encore rencontrer quelques-uns de ces implacables de la 18e qui sont si bons enfants, ou seulement ce brave comédien. Oh, je n'aurais pas tant de bonheur que ça. Je trouverais plutôt quelques pierres pour me casser le cou. Si fait, vous, mademoiselle, vous avez du bonheur. C'est toujours vous qui nous avez sortis d'embarras. Je suis sûr que si vous vous mettez dans la tête de le faire, vous ne reviendrez pas les mains vides. Les jours se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Je n'ai pas idée que cette fois. Pourquoi jetiez ainsi la manche après la cognée? Vous avez été bien inspiré. Il n'est pas dit que vous ne le serez plus. Que voulez-vous que je fasse? Cet officier, ces militaires qui nous ont racheté la vie, ce comédien qui a été si généreux, ils n'en sont pas morts. Oui, mais où les retrouver? Pour les militaires, c'est peut-être aisé. Pour le comédien, j'ignore son nom. Et allez donc chercher une aiguille dans une botte de foin. Vous savez de quelle paroisse il est? C'est juste, mes amis, vous avez raison. Il faut que je les déterre. Il n'y a pas de milieu. Je les déterrerai, et ils ne nous laisseront pas périr. Ah bien, j'aime ça, nom d'un nom. Adèle ne fut pas longue à se préparer. Elle courut, toute d'une haleine, à la caserne. Les voisins lui apprirent que le régiment était parti de la veille. Cette nouvelle fut pour elle un coup de foudre, car il s'en fallait qu'elle fût certaine de découvrir la demeure du comédien, son dernier bienfaiteur. Sombre et pensive, agitée par des pressentiments divers, elle calcule les suites fatales d'un nouveau désappointement. Un bruit, dont elle ne s'explique pas d'abord la cause, vient la tirer de sa rêverie. Une longue file de voitures de deuil s'avance lentement. En tête, traînée par 4 chevaux couverts de panaches et de housses brillantes, est le char funèbre tout environné de trophées. 24 carrosses suivent immédiatement. Ce n'est que pour un grand que peuvent avoir été commandées ces pompes de la mort. Adèle se rappelle que dans ces occasions, la vanité des parents du défunt achète par des aumônes les regrets du pauvre qu'il ne connut pas de son vivant. « Il y aura des pleureuses, » se dit-elle à elle-même, « je serai du nombre et l'on me paiera. » Dans cette persuasion, elle devance le char et ne tarde pas à apercevoir sur la façade un hôtel immense, ses tentures lugubres, dont la profusion dépose de l'opulence du patron qui va le quitter. Non loin de là, une centaine de gens mal vêtus, hommes et femmes, circulent dans la rue. Ceux-ci battant la semelle, ceux-là ramenant avec violence leurs 2 bras sur la poitrine, tandis que d'autres, également pour se réchauffer, avalent au prochain cabaret ce verre de consolation dont leurs mains absorberont le reste. Ce sont là des habitués de toutes les funérailles. Adèle est pour eux un visage nouveau. Elle n'a pas encore ouvert la bouche. Cependant, pas un d'eux ne s'est mépris sur ses intentions. Elle leur fait ombrage. Et sans s'être concerté à l'avance, tous conspirent pour l'écarter. « Ne vous pressez pas tant, » lui crie un de ses mendiants, « nous sommes au complet. »« Où est-ce qu'elle va, cette particulière ?» dit une espèce d'ivrogne en s'efforçant de lui barrer le passage. Puis vient le tour d'une ancienne poissarde. « Eh, dis donc, ma petite, ta cour, la gueule enfarinée, les 3 livres, la torche et la guenille, ça te passera devant le nez, c'est pas le tout de se lever matin, faut arriver à l'heure. »« Eh, mon compère !» Madame a besoin d'une aune de serge, toi qui es galant, séduis donc la tienne. Bon, est-ce qu'elle est inscrite à la section pour avoir du drap noir? Oui, oui, c'est dit. Madame le chiffon, c'est rien, mais le petit écu, elle n'est pas dégoûtée. Malgré ces apostrophes, Adèle poursuit son chemin, et passant devant la loge du Suisse sans être aperçue, elle se dirige vers une espèce de péristyle à claire-voie fermée, sous lequel est une troupe de laquais, les uns s'entretenant à haute voix, les autres jouant aux cartes, tandis qu'à quelques pas de là, sous le vestibule, transformé en chapelle ardente, 2 prêtres en vigile auprès du cercueil récitent les litanies des morts. « À tout, c'est du pic. Qu'est-ce qui relève? C'est à toi. Je ramasse. À moi de donner. Je demande 4 cartes. Es-tu content? Je demande encore. Mes amis, il faut boire aujourd'hui. Ils boivent bien, ils ont bien bu les... Chut, chut. Est-ce qu'ils entendent? Tu vois pas qu'il y en a un qui dort, il ronfle de bon cœur. Il fait le serpent pendant que l'autre dit ses prières. C'est l'accompagnement. Oui, le faux bourdon. Et mes yeux, arrive qui plante, c'est des choux. J'ai toujours empoigné les clés de la cave, c'est le principal. Et moi, celle de l'office. Oh, il faut nous en taper une culotte, y a pas à dire. Qu'en penses-tu, chasseur? Moi, je suis comme le cocher, on n'a qu'à me faire signe. Eh, pardieu, si on ne se donnait pas un peu de bon temps, on n'a que celui qu'on prend. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on enterre monsieur le duc. Il nous a fait assez enrager de son vivant, quand nous ririons un peu à sa mort. On entend miserere mei deus. Est-ce un tuyau qui crève? Tenez, tenez, mes amis, c'est l'autre qui se réveille. Écoutez donc, il a un chat dans la gorge. Il entendra mieux une bouteille de Bordeaux. En vérité de Dieu, je ne sais pas comment ils peuvent s'y tenir. Sentez-vous l'odeur? Ils en ont du premier tiré. C'est qu'il n'y a pas de charogne qui pue de cette force. Qu'est-ce qu'il y a une tabatière dans la compagnie? Tiens, tiens, fais passer. En usez-vous? Il est déjà en putréfaction. C'est pas étonnant, monsieur a fait une vie si désordonnée. On dit qu'il est mort d'avoir pris des cantariques. Il est mort d'un bâtard honnête, c'est riche, ça se croit tout permis, jusqu'à des petites filles de 10 ans qu'il se faisait amener, des enfants, ça révolte la nature. Ah, dans le quartier, il en a débauché plus d'une qui sans lui ne se serait jamais perdue. Des êtres pareils, c'est de vrais fléaux. C'est si vicieux que quand même il n'y a plus mèche, ça ne peut pas se passer de leur passion. Te rappelles-tu, quand tu le conduisais à sa maison de Montrouge, qu'il te laissait sur la route avec la voiture? Ça fait frémir les horreurs qu'il faisait avec le père. Comment s'appelle-t-il donc? Le nom n'y fait rien. Mais si j'étais de quelque chose dans le gouvernement, des monstres comme ça, je les ferais brûler vifs. Ça ne l'empêchait pas de manger le bon Dieu tous les dimanches et de porter le cierge à la procession. Si celui-là va au ciel, ah ça, quand viendront-ils le chercher? Il me semble qu'il tarde bien. Chasseur, ben peu voir. Alerte, alerte, voilà les croque-morts. À ce signal, toute la cohue des valets se disperse. Au revoir, monsieur le comte. Sans adieu, monsieur le marquis. Bonjour, duc. Nous nous retrouverons là-bas, mon cher ambassadeur. Chevalier, je ne te tiens pas quitte. Tels sont les exordes ou les péroraisons des poignées de main que s'entredonnent ces messieurs au moment de se séparer. Adèle, qui en poussant doucement la porte est entrée sans être remarquée de la domesticité, n'a pas osé souffler, de peur de s'attirer quelques rebuffades par une interruption intempestive. Cachée dans une encoignure du poêle, les propos et les jeux de la livrée ayant cessé, elle en sort comme une apparition. Elle est tombée des nues, celle-là? Gare, gare, que faites-vous ici? Chacun la regarde comme un événement. Plusieurs lui décochent pour la forme une interrogation à la passade, et personne ne prend la peine d'attendre qu'elle ait répondu. À voir avec quelle précipitation il lève le siège, on dirait d'un pulque de cosaques surpris dans un bivouac par une avant-garde française. Ce sont des ombres qui s'échappent et disparaissent. Adèle va de l'une à l'autre et de l'accent d'une suppliante. « Monsieur, je n'ai pas le temps. » Et l'ombre la rudoie pour lui prouver qu'elle a un corps. « Monsieur, je ne suis pas de la maison. » « Monsieur le chasseur, à qui les pauvres doivent-ils se recommander ?»« Les pauvres, je ne sais pas. » demande à cet enfant. L'enfant est un jockey. « Mon petit ami, qui est chargé de la distribution ?» Monsieur Euler, madame demande qui est-ce qui fait la distribution. Monsieur Euler est le Suisse. Il y a affreux plein quelqu'un par là. Foyez cette monsieur avec une plume dans sa chapeau à la Perron, les manchettes de plan et le manteau noir. Ce monsieur qui a le jabot et l'épée. Schiste, le maître de la cérémonie. Oui, le chef des comparses, dit un nègre en frappant sur l'épaule du Suisse. Toujours farci ces monsieur mal planchi, il est joli le comparse. Allez la femme, vous pouvez pas vous tromper. Celui qui se rencorche là-bas, qui fait ce personnage, on croirait le mot tardier dit pape. Je vous ai bien obligé, messieurs. Adèle s'approche de cet ordonnateur du deuil à qui elle expose, en deux mots, l'objet de sa requête. Votre nom? Lui dit-il en tirant de sa poche un carnet. Adèle Descartes. Vous n'êtes pas sur ma liste. Êtes-vous seulement dans les postulantes? Vous êtes-vous présenté à l'administration? Non, mais je suis pauvre autant qu'il est possible de l'être. Ce n'est pas cela. « Êtes-vous inscrite? Êtes-vous attachée à l'établissement ?»« Non, monsieur. »« Eh bien, que prétendez-vous ?»« L'administration fournit les pauvres, elle fournit le drap, elle fournit les torches, elle fournit tout, l'administration. »« Je ne le vois que trop. Il n'y a rien à faire ici pour moi, » proféra Adèle. « Elle va se retirer. » Mais la multitude obstrue les issues, et sans pouvoir ni avancer ni reculer, elle est retenue au milieu d'un groupe dont les divers personnages prononcent ce singulier panégyrique. « Enfin, Dieu soit loué !» On va l'enterrer, ce grenat-là. On lui fera plus d'honneur qu'à un chien. On dit qu'il a donné 10 000 francs aux pauvres. Ils en auront lourd, ça passe par tant de mains. On appelle ça un don, c'est une restitution. Il ne leur redonnera jamais autant qu'il leur en a pris. En a-t-il volé dans sa vie? En a-t-il mis à la mendicité? Et dur qu'il était, il vous aurait vu tendre la langue longue d'une aune. Si tous les malheureux qu'il a faits étaient à son convoi, il y en aurait d'ici à Pontoise. C'est encore celui-là, qui était une vraie girouette, tantôt rouge, tantôt blanc. C'est de ces caméléons qui empruntent toutes les couleurs, qui servent Dieu et diable, et les trahissent tous deux. On dit qu'il a refusé un confesseur. C'était pourtant un cagot. Cagot, c'était pour mieux jouer son rôle. Mais il sentait sa fin venir, et comme il n'avait plus besoin de feindre, il a jeté le masque. J'espère qu'il en a fait de ses faux serments. Si l'autre était resté, on aurait cependant mis ça au Panthéon. Oui, mais s'il était revenu, oh, on ne l'aurait pas fait perdre. J'en réponds. Ça n'empêchera pas de prononcer sur sa tombe un discours qu'il n'y aura rien de si beau. Tout mensonge, je gage qu'on y vantera sa fidélité. Et sur l'inscription, c'est là qu'on en lira des gosses. Le marbre est comme le papier, il souffre tout. Le Père Lachaise, c'est la plaine des vertus. La plaine des vertus, à la bonne heure pour ceux dont les pyramides poignardent le ciel. Mais nous, pauvres diables, on nous porte à la fosse commune. Ni pelée de terre, tout est dit, ni vu, ni connu. Nous ne laissons pas de traces. Nous laissons des regrets, ça vaut mieux. Et puis nous n'avons fait de mal à personne. J'en conviens. Cependant, c'est peut-être une faiblesse. Je ne me soucierai pas d'être jeté dans le grand trou. Et qu'est-ce que cela fait? Une fois que je ne serai plus, on me mettra où l'on voudra. Je suis du sentiment de monsieur, je m'en bats l'œil. Voilà monsieur le duc qui aura un monument. C'est de la graine de niais. Quand il serait en diamant, il n'en est pas moins fichu qu'un autre. Écoutez, écoutez, le tambour bat. Est-ce qu'il y aura de la troupe? Tiens, c'est les vétérans. Ce sont eux qui ont fusillé le maréchal. La Moscova, le brave des braves, oui, mais ils n'ont toujours pas condamné. Je crois bien, ils pleuraient tous comme des enfants. C'est-il drôle, ils chargent les armes. Ne voyez-vous pas que c'est pour rendre les honneurs? Il se fait un roulement sourd dont la vibration lugubre annonce le départ. Allons, les pauvres, à votre poste, commande le maître des cérémonies. C'est la marche qui commence, la foule des assistants s'écoule avec le cortège. Adèle, le cœur serré, s'éloigne en longeant la corporation des mendiants, dont la satisfaction de voir une ribalde conduite éclate par un rire satanique. Oubliant que le recueillement leur est prescrit, ces privilégiés de toutes les munificences funéraires trépignent sous leurs lambeaux. Tous s'agitent avec d'horribles contorsions en secouant ces torches qu'ils s'efforceront bientôt d'éteindre afin d'en tirer à plus grand profit. Leur joie est atroce, c'est celle que cause aux démons les tourments d'un réprouvé. Adèle, qu'il nargue, redouble de vitesse sans oser regarder en arrière. Elle a le bec cloué, hurle l'une de ses furies qui l'avait saluée à son arrivée. C'est bien fait, répond la suivante, elle n'a pas voulu m'en croire. Aussi elle est payée, observe une troisième. Te voilà, invective une autre mégère, t'es comme madame l'araignée, la gueule morte et les yeux retirés. À cette apostrophe directe, Adèle, qui jusque-là a souffert patiemment les railleries grossières de ses femmes, se retourne avec une sorte de dignité. « Ça lui va-t-il bien, hein, la princesse ?» répète plusieurs voix. « Veux-tu te sauver ?» lui crie-t-on de la rangée des hommes. Poussée à bout, elle est tentée de riposter, mais un vieillard s'étant approché d'elle. « Vous allez vous faire arracher les yeux ?» lui dit-il, avec des canailles pareilles. « Le plus court, c'est de les mépriser. Vous ne voyez pas que c'est de faux pauvres ?»« Oui, » réplique un passant, « mais c'est des fainéants véritables. » Et par-dessus le marché, de francs ivrognes, ajoute un des soldats du convoi. « Nous connaissons ça, nous autres. » Au comble de l'adversité, il n'est si faible lueur qu'il ne brille comme un phare de salut. Adèle ose encore embrasser une illusion. Elle découvrira ce comédien qui, une fois déjà, lui tendit une main secourable. Cet espoir la transporte. Elle revoit l'église, elle foule le parvis, là quelqu'un lui enseignera la demeure du bienfaiteur. « N'allez pas vous fourrer dans la bagarre !»« Eh quoi, il entrera ?»« Il n'entrera pas. Des coups de hallebarde, il n'y fait pas bon. » « À bas, les gendarmes, à bas! Taisez-vous donc, vous allez vous faire empoigner. C'est une indignité, c'est une horreur. Parce que c'est un comédien. Est-ce qu'un acteur n'en vaut pas un autre? Puisqu'ils sont excommuniés, ils ne peuvent pas aller en terre sainte. Taisez-vous donc, excommuniés. » Il n'avait qu'à ne pas recevoir le pain béni quand il l'a rendu. Et dernièrement, lorsqu'il a fait baptiser son enfant, ils n'ont pas pris son argent, peut-être? Dieu, c'est lui! La douleur arracha à Adèle cette exclamation. Chancelante, éperdue, elle fait quelques pas. Les vociférations cessent, le tumulte s'apaise, les sabres voltigent, des cavaliers font ruer leurs chevaux. et sous l'escorte d'une exécution, le corbillard est emmené. D'un œil sec et morne, Adèle le contemple de loin. Elle n'a plus de larmes. Un désert se fait autour d'elle. Tout a fui, tout s'est dissipé. Le cercle s'agrandit. Les édifices eux-mêmes, mobiles sur leur base, semblent atteindre aux confins d'un horizon immense. Adèle est oppressée. Le silence du néant pèse sur son âme comme la massue de plomb d'un pénible cauchemar. La terre tourne et l'emporte. Est-ce une vision de la mort qu'elle vient d'avoir? L'airain du tam-tam retentit dans les airs. C'est le glas terrible. Il n'y a plus de vertige. Ceux qui fuyaient se rapprochent. Les portes roulent sur leurs gonds, les deux battants sont ouverts. Dans la longue perspective d'un deuil insolent, s'étalent les vanités de l'impie. Le temple s'est transformé en un sépulcre. Partout, le voile mortuaire s'étend. Les galeries, les ogives, les consécrations, le culte du divin maître, sa chaire de vérité, ses autels, ses saints, le rideau de l'orgueil les cache. Sur un fond noir parsemé d'armoiries, d'écussons, de chiffres, de devises et de larmes d'argent, se projettent, vacillantes, comme dans une nuit de ténèbres, les étoiles d'un innombrable luminaire. Le char s'arrête, la croix paraît, et en arrière, tout le clergé de la paroisse, les prêtres, les diacres, les sous-diacres, ayant à leur tête le curé et ses vicaires. Le corps est déposé sur un brancard. Les enfants de chœur et les chantres commencent les lamentations de Dies Irae. Trois amis du défunt s'empressent pour tenir les coins du poêle. Un quatrième se présente, on le salue avec déférence, on lui cède le pas. Ce personnage, devant qui l'on s'incline avec tant de respect, est encore la grande figure. Adèle l'a reconnu. « C'en est trop !» se dit-elle à elle-même. « Partout je le rencontre et partout on l'honore. Ce monde n'est que déception, que mensonge, qu'injustice. Je l'aborde, ce monde, je le déteste, je l'exècre. »